Galerie Est, à 20 minutes de Wish City. Les Baefwish ont pour vocation de s'étendre. Pour cela, tous ces milliards de gnomes creusent et bâtissent pour creuser plus loin encore et bâtir plus haut encore. 5 cm de hauteur, c'est à peu de choses près la moyenne chez les Baefwish. 2 mètres, c'est la taille de la plus haute tour de Wish City. Les Baefwish voient toujours très grand. Pardon, je me suis gouré. Hé, hey, Buzz. Hé, hey, Squeak. On descendait juste du chariot lorsque Friedrich s'est lancé à notre rencontre. Un Baefwish hautain qui tirait sur le verre et qui avait la malencontreuse habitude de retrouver son matériel cassé. Hé, hey, ça va les gars? Salut Friedrich. T'as l'air de péter la forme, dis-moi. Je pète la forme, je te dis. Il était hors de question pour nous de s'arrêter de marcher pour se taper la causette avec Friedrich. La galerie Est est un immense couloir qui s'apparentait plus à une grotte tellement nous creusions profondément, élargissant le boyau qui avait pris forme 2 semaines auparavant. Nous préparions le terrain pour les bâtisseurs. Ici et là, des pelleteuses et autres grosses machines à creuser plusieurs baraquements de hauteurs différentes et des milliers de Baefwish prenant leur position armés de pioches ou de marteaux-piqueurs. Non mais c'est que t'as vu? C'est la toute dernière casse-tête 3000! Et Friedrich tenait dans ses mains une pioche brillante, toute neuve, au pic si fin qu'on aurait pu la faire glisser dans un Judas. Un acier trempé dans du zut-zut casse même le métal le plus pur, déchire l'or et l'argent, défonce le mithril. Avec la casse-tête 3000, vous ferez des miracles. Et t'as pas peur qu'on te la casse, Friedrich? Non, j'espère que t'auras de la chance cette fois. Bon, on doit te laisser, Friedrich. On bosse dans le secteur 9 aujourd'hui. Oh mince! Et moi qui voulais discuter avec vous toute la journée, ça aurait été génial. Ouais, ça aurait été super génial, mais non. Désolé, Friedrich. C'est pas qu'on t'aime pas. La question d'ailleurs ne se pose même pas. Non, c'est vrai, on s'est jamais posé la question de savoir si on t'aimait ou pas. Non, c'est vrai puisqu'on pense jamais à toi. Et on a lâché Friedrich au milieu de la galerie, rejoignant notre baraquement. Le baraquement, une simple cabane. Plusieurs rangées de pioches reposaient sur divers étals et au bout de la pièce, le bureau du chef de chantier, Morerti, un petit gros avec un casque énorme. Squeak, Booth! Chef Morerti. Bonjour, chef. Eh les gars, vous avez vu l'heure? Faudrait penser à vous mettre à creuser là, parce que sinon... Sinon je me fais engueuler par le patron! Oh les mecs, si vous saviez comme c'est mal à mon boulot, vous. Sérieux! Et vous savez ce qui se passe quand j'ai mal à mon boulot, hein? Vous le savez? C'est-à-dire... Ça me fait des cloques de nervosité sur mon visage! Regardez! J'en ai une grosse qui pousse là. Votre casque tombe sur vos yeux, chef. On vous voit plus. Ah, Boost Quick. Vous travaillez bien, vous êtes les meilleurs creuseurs que j'ai jamais rencontrés. Mais bon Dieu de bon Dieu, arrivez à l'heure! La galerie Est est la pire galerie qu'on ait jamais eu à creuser. Il y a trop de foulées-boules. Et les foulées-boules tuent un creuseur chaque jour, vous le savez, ça, hein? Pour sûr qu'on le savait. Les foulées-boules, ils venaient de nulle part, débouchant dans la galerie par des petites cheminées du grand plafond. Des masses brunâtres à l'odeur pestilentielle qui avalaient bon nombre de creuseurs en tombant. D'où venaient-elles? Personne ne pouvait le dire. Peut-être d'un autre monde. Non, non, non, il n'existait rien à part Wish City et ses galeries. Allez, mettez-vous au boulot, les gars. Tout de suite, chef. Tout de suite, chef. Hé, les gars, j'ai toute confiance en vous. Vous êtes les meilleurs. The hype, the best, the most beautiful in the entire world. I trust you, man. I trust you. D'accord, chef Morefti. Nous sommes sortis du baraquement armés de nos pioches et de nos casques. Et nous avons rejoint le secteur 9. Des centaines de Baefwish creusaient un pan de galerie en cadence. D'autres amenaient des chariots, les remplissaient avec la terre et les emmenaient ailleurs. Un mouvement perpétuel orchestré de main de maître par les différents chefs de chantier. Tous, nous travaillions pour une simple et même personne. Notre grand chef, le dirigeant de Wish City. Allez hop, au boulot! Sifflez en travaillant! Vas-y, creuse! Enfonce bien la tige! dis-je, allez! Clutch la machine! C'est trop dur! J'y arrive pas! Pousse! Pousse! Ah, mais pas si fort, crétin! Il m'écrase! Il m'écrase! T'écrase Smithy! Mais je vous l'avais dit! Oh, ça va, toi, écrase! Non, non, non! Arrête! Arrête! Tout aurait pu bien se passer cette journée. Sauf qu'en milieu d'après-midi, un bout du grand plafond est tombé. Nous creusions tellement fort qu'à cause des tremblements, un bout de terre aussi gros qu'une maison s'est littéralement éclaté contre le sol. Aucune blessée n'est à signaler. Vous pouvez vous remettre au travail. N'oubliez pas de rédiger tous autant que vous êtes un rapport concernant l'incident d'aujourd'hui. On se remet à creuser. Allez, on pompe. Tout le monde s'est remis à bosser. Pas le moins du monde intrigué par la chute d'un bout du grand plafond. Sauf moi. J'ai levé la tête. J'avais l'étrange impression qu'il y avait autre chose que la terre. Il y avait autre chose que la roche. Il y avait autre chose que les baies fouiches. Baies fouiches.